Logique. Énonce. Logique. Oh yeah. Logique. Jizzle. I don't drink, I don't smoke, but your big booty got me so high. I don't drink and I don't smoke, but your sexy body got me going drunk. Over here, over here, baby girl, you know you will get the cash. Over here, over here, baby girl, you know I'm gonna spend money on you. En bas tu veux ton numéro, pour te chatter na WhatsApp, pour développer moi ma solo. Sugar baby, poussana. Ne t'inquiète pas, te faire souffrir, moi je peux pas. Tu me plais trop chérie, je ne veux que toi. Sexy, sexy, boucalo que ton nom. Le soir-le, c'est les jeunes leaders qui est dans la place. Le soir-le, c'est avec toi que je vais mettre l'ambiance. Boucalo que ton, bouca, boucalo que ton, bouca, bouca. Logique, logique, logique, logique. Girl, why you killing my eyes now? Looking so good, got to be mine. You know me, I'm ready to go now. All I need is the green light. Façon tu bouilles, moi j'apprécie. Oh, yeah. Je vais faire de toi ma first lady. Oh, yeah. Tu m'es fait oublier tous mes soucis. Soucis. Ensemble on fera des folies. En bas tu veux ton numéro. Numéro. Pour te chatter na WhatsApp. Na WhatsApp. Te développer moi ma solo. Ma solo. Sugar baby, poussana. Ne t'inquiète pas, te faire souffrir, moi je veux pas. Tu me plais trop chérie, je ne veux que toi. Sexy, sexy, boucalo que ton nom. Le soir-le, le soir-le, c'est les jeunes leaders qui est dans la place. Le soir-le, c'est avec toi que je vais mettre l'ambiance. Boucalo que ton, bouca, bouca, boucalo que ton, bouca, bouca. Logique, logique, logique, logique. Buka loketo, buka, buka loketo, buka, buka, buka loketo, buka, buka loketo, buka, buka, buka loketo, buka, buka loketo, buka, buka, buka loketo, buka, buka loketo, buka. Le soir, le soir, c'est les jeunes leaders qui est dans la place. Le soir le, c'est avec toi que je vais mettre l'ambiance. Logique, logique, logique.